Commencez à fixer un premier point, comme là, comme ça, simplement. Regardez-le avec douceur, il n'y a aucun enjeu. Et puis je vais parler tantôt un peu à votre oreille gauche, tantôt à votre oreille droite. Cela créera de l'immersion et aussi une transe plus profonde. On va copier en ça les techniques de l'ASMR. Mais juste un petit peu. Le plus important, c'est que sans faire d'effort, vous allez entrer en transe. Et il suffit de me prêter l'oreille, sans effort, comme si je vous racontais une histoire, par exemple. Ça, les parents sont des magiciens, ils font de l'hypnose de contrebord, et c'est très très bien comme ça. Ils savent ralentir leur voix, ils savent parler de choses douces, ils savent vous faire voguer sur l'imagination, et très honnêtement, ce sont de bons hypnothérapeutes en général, tout simplement. Alors, fixez ce point, laissez votre esprit être comme ça, porté tout en douceur par ma voix. Et quand vous le souhaiterez, vous laissez les paupières se fermer pour entrer dans un état hypnotique aussi facilement que cela. Et en répétant cette séance de nuit en nuit, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Et vous allez réapprendre à dormir en même temps que vous allez apprendre à vous détendre. Vous allez apprendre le calme et sans faire le moindre effort. Alors peu importe le moment où les yeux se fermeront, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, ça n'a pas la moindre importance. L'important, c'est juste de se laisser porter. Et les moments assez nombreux où votre esprit décrochera, pensera à autre chose, parce que vous serez dans une transe profonde à ces moments-là, tout simplement. Eh bien, ça vous aidera à aller vers le sommeil, et c'est très bien, et vers l'hypnose, le sommeil de l'esprit, et le sommeil de la nuit ensuite. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, les bruits aussi de vos pensées. Les pensées font du bruit. Et ma voix, elle, qui va se préciser en vous pour vous guider, tout simplement, progressivement, sans faire d'effort. Elle va devenir de plus en plus présente, active en vous, vivante. Et puis au fur et à mesure, c'est votre inconscient qui va l'emporter de plus en plus, qui va créer pour vous un rêve sur mesure, un rêve avant de dormir, un rêve que vous allez vivre si intensément, si facilement, à un niveau aussi inconscient qu'ensuite, eh bien vous serez changé par lui et vous entrerez d'abord dans le sommeil de l'hypnose et ensuite le sommeil de la nuit. Alors déjà en vous, quelque chose se passe. C'est par exemple la respiration qui devient plus lente et surtout plus régulière. Et partout l'esprit se pose, que ce soit sur des choses aussi simples que le contact de l'air contre le visage ou contre les mains. Partout, les sensations deviennent plus précises. En fait, vous faites un voyage de l'extérieur. Le monde du quotidien, de l'observation, de la réflexion, de l'analyse, parfois du stress, bien sûr. Vers l'intérieur, d'abord les sensations physiques et puis bientôt le rêve, l'inconscient qui va s'exprimer de plus en plus sans que vous ayez le moindre effort à faire. Et c'est bien ce qu'il y a de plus particulier dans l'hypnose. Alors c'est pour ça donc que la respiration se ralentit. C'est pour ça que le seul effort que je vais vous demander, c'est de prendre deux inspirations profondes comme ça pour lâcher prise, passer à autre chose tout simplement, à un autre temps, un autre état de conscience. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, les yeux peuvent être déjà fermés, c'est très bien, ou prendre plus de temps. Pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle, devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez. J'aime bien cette image des racines de calme, cet air que vous sentez passer dans vos narines, se disperser dans les bronches, dans les poumons, comme ça, comme des racines de calme, comme une fraîcheur douce, sereine, qui vous ancre dans un état de plus en plus différent, mais un état que vous connaissez, une terre connue, une terre agréable. Vous l'avez si souvent fréquentée lorsque vous étiez dans la lune, lorsque vous rêviez, lorsque vous étiez sur le point de vous endormir dans ce qu'on appelle l'état hypnagogique. Alors, progressivement, le corps se détend de plus en plus pour entrer dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, mais surtout, simplement sentir ces nouvelles sensations qui s'installent au rythme de votre inconscience et par exemple le poids de la respiration, tout simplement plus lourde, mais aussi le corps plus engourdi, les bras un peu plus lourds, les jambes un peu plus lourdes, lourdes et immobiles, le corps qui se détend dans la lourdeur engourdie pour laisser l'esprit s'alléger dans une transe légère où déjà les rêves prennent place, où déjà la pensée arrête de penser, ou plutôt la pensée consciente, lourde et pénible à pousser, oublie de pousser comme dans le mythe de Sisyphe, le rocher de ses problèmes insolubles pour laisser l'inconscient rêver, laisser le rocher partir et rêver, rêver des Champs-Élysées, rêver du paradis, rêver d'autre chose, abandonner le rocher des habitudes et déjà rêver très loin à votre rythme. Alors le corps est lourd, lourd sur le lit. Le lit solidement ancré sur le sol et on voyage loin, le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans le système, d'abord sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie. La galaxie ancrée dans l'univers et l'univers ancré dans le temps. Et le temps tout simplement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Dans l'hypnose, tout est symbole. C'est-à-dire que toutes les choses que l'on vit nous transforment, nous changent, ont du sens pour nous. Mais dans notre vie quotidienne, on a tendance à l'oublier. Tout est symbole en cela que les mots, les choses que nous voyons, sont chargés de sens et eux aussi nous transforment lentement, rapidement parfois. Tout est symbole. Et l'un des symboles les plus présents, bien sûr, c'est le symbole de l'eau. L'eau nécessaire à la vie, c'est le plus évident. L'eau, symbole de propreté, de pureté. Les ablutions, si fréquentes dans les religions, que l'on parle du baptême ou avant de rentrer dans une église ou dans une mosquée, par exemple. L'eau est omniprésente, symbole de pureté, de transformation, de changement. Et de la même manière, alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, dans l'hypnose, tout est symbole, tout prend sens, en cela que, alors que vous entrez de plus en plus en transe, votre inconscient s'empare de mes mots et leur donne chair, pour qu'ils se transforment en images, en sons, en sensations, faits pour vous et qui vont vous transformer. Alors, l'image puissante, le symbole puissant de l'eau sera là pour vous permettre de passer à autre chose, à une transe de plus en plus profonde que vous sentez tout simplement se créer ou plutôt se développer ou plutôt simplement vous êtes en train de vous reconnecter avec quelque chose que vous connaissez très bien mais que vous avez oublié. Vous avez oublié que vous êtes capable d'entrer en transe, vous avez oublié que vous êtes capable d'être bien, de lâcher prise, de vous laisser emporter. Trop de jours, de semaines, de mois à croire que vous n'étiez pas capable de tout simplement entrer en transe, dormir du sommeil de l'esprit pour ensuite dormir du sommeil de la nuit. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez, les yeux peuvent se refermer ou se fermer maintenant, ou rester fermés en transe. Et ces yeux fermés en transe maintenant symbolise ce passage, progressif certes, cette transformation, cette reconnexion avec cet état naturel qu'est l'hypnose. Et le temps, et ma voix, et votre respiration, tout cela combiné, va vous faire entrer dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Alors, ces moments où l'esprit oublie de penser, dans ce que l'on appelle parfois la confusion ou le lâcher-prise, dans cette manière de joindre des idées en apparence semblables et en même temps dissemblables, où l'évidence ne l'est plus tant que ça, où le conscient, l'inconscient, la frontière même entre les deux, eh bien, le préconscient donc, toutes ces frontières se troublent et sont remplacées progressivement par une transe de plus en plus profonde. L'esprit s'endort à son rythme et c'est très bien. Et bien sûr, vous pouvez reprendre le contrôle dès que vous le souhaitez, par un effort d'esprit, par un acte un peu fatigant. Mais une fois qu'on l'a vérifié, on peut tout simplement, eh bien, profiter de ses yeux fermés et se laisser porter en sachant bien que ce qui se crée en nous, c'est notre inconscient qui le veut, c'est notre inconscient qui le crée. Mes paroles ne sont presque que l'excuse pour que votre inconscient crée et l'état et la réalité nécessaire au changement. C'est pour ça que vous entrez dans une transe de plus en plus profonde. C'est pour ça qu'elle vous semble à ce point familière, facile, évidente. Et c'est pour cela aussi que vous sentez qu'en répétant ces séances, ce sera de plus en plus facile en fait. C'est comme retrouver un ami. C'est retrouver un lieu que l'on a connu. Et puis finalement, se rendre compte qu'on le porte encore en soi et qu'il lui fallait simplement la possibilité de renaître ou de prendre davantage de place. C'est ce que fait la transe, l'état hypnotique en se développant en vous. Alors j'aimerais simplement, pour approfondir cet état, que votre esprit inconscient vous fasse imaginer la plus belle mer ou le plus bel océan, mais une eau calme, rassurante, profonde, une eau aussi calme que votre esprit s'est apaisé, que les vagues d'avant, les marées parfois, que peuvent être nos émotions, tout cela s'est effacé, a été remplacé par une mer étale, calme, profonde. Et simplement, par la magie de l'hypnose presque, je vais vous inviter à plonger dans cette eau. Et plus vous allez plonger loin, et plus la transe va s'approfondir. Bien sûr, pouvez respirer sous l'eau. C'est le merveilleux qui règne en maître, la magie dans l'hypnose, tout est possible. Et sachez que cette expérience de plongeon en soi, eh bien, est utilisée pour approfondir le sommeil, le temps de sommeil lent et profond. Donc non seulement vous allez entrer dans une transe de plus en plus profonde, mais vous allez préparer aussi un sommeil plus récupérateur, de meilleure qualité. L'hypnose va vous endormir, mais l'hypnose va aussi guérir, améliorer, développer les qualités de votre sommeil. Et quand je dis l'hypnose, je devrais plutôt dire votre inconscient. L'hypnose n'est que ce passage vers vous-même, vers votre inconscient, de la même manière que cette métaphore, que cette eau dans laquelle vous plongez, dans laquelle vous plongez de plus en plus loin, de plus en plus profondément en vous-même et dans la mer, et mètre après mètre, alors que s'installe un silence merveilleux, un silence d'image, un silence de son, un silence de pensée, vous entrez toujours plus en transe. Dans cette mer si profonde, en allant de plus en plus vers vous-même, vous vous sentez de mieux en mieux. Car ne nous leurrons pas, l'inconscient vous protège. Il fait marcher votre corps. Il vous protège des accidents. Il essaye vous permettre d'être heureux malgré tout, sans y arriver toujours. C'est normal en étant maladroit parfois aussi, et c'est normal, mais là, alors que vous allez de plus en plus profondément en vous-même, que les images, les sons, les sensations se précisent de plus en plus, et avec eux, la transe plus profonde qui aide à la précision de ces images, de ces sons, de ces sensations. Là, l'inconscient découvre une nouvelle facilité de changement en vous. Vous allez pouvoir en quelque sorte échanger avec lui. Là déjà, le fait d'avoir suivi cette hypnose, de plonger ainsi, eh bien vous l'invitez simplement à vous détendre, à vous endormir, à endormir le conscient, pour que le corps enfin trouve une détente profonde, la respiration très lente, régulière, calme, douce, à mesure que vous descendez de plus en plus loin en vous-même. C'est très bien. Et à un moment, quand vous serez suffisamment en transe, j'aimerais que dans ce doux silence, dans cette magnifique obscurité, apparaisse une lumière, que vous dirigiez vers cette lumière, et qu'elle vous amène tout simplement dans le plus merveilleux jardin. Et vous le savez, au milieu des jardins, de l'idée même du jardin, il y a un arbre, il y a aussi une fontaine, une source. Et cette source, ce sera pour vous la fontaine de jouvence. Alors là, pareillement, coloré par couleurs de votre personnalité, les pigments de vos émotions, la nécessité du temps, vos besoins les plus profonds, les plus sincères, oserais-je utiliser ce mot, né de vos souhaits, apparaît progressivement ce jardin. Qu'il était doux à une époque. D'avoir encore sur la carte ces mots terra incognita, terre inconnue. Parce que l'on pouvait imaginer une chose très simple. C'est que si en certains lieux, la douleur, le mal régnait, il pouvait y avoir des lieux paradisiaques où tout était possible. La magie, les miracles. Alors, c'est cela, le mythe du jardin d'Éden, c'est cela, le mythe de la fontaine de Jouvence. C'est ce lieu où amène ce lieu parfait où l'homme pourrait être parfaitement en paix, satisfait, heureux, comme au temps de l'âge d'or, comme au temps qu'on appelle le temps du rêve, quand les peuples premiers, ce temps où la magie existait encore, où tout était possible, où les hommes pouvaient voler, se transformer en animaux. Et là, c'est l'image de la sérénité. Et s'il existe un monde des idées, s'il existe des archétypes, des symboles partagés par tous, ce jardin parfait, paisible, heureux, plus beau et plus parfait encore que les jardins suspendus de Babylone. Ce lieu existe, si ce n'est sur la carte, alors du moins dans notre esprit, si ce n'est dans notre esprit, du moins dans notre âme, et si ce n'est pas encore dans notre âme, du moins dans nos souhaits. Mais là, ici, votre inconscient le recrée pour vous, à son rythme, les yeux fermés, c'est très bien. Il crée ce paysage, ces perspectives, ces arbres, ces fleurs, certains arbres que vous reconnaîtrez, certaines fleurs que vous reconnaîtrez également, et d'autres, si parfaites qu'elles ne peuvent être que le fruit de votre imagination. Ce jardin, vous allez le laisser créer à votre inconscient à sa manière. Pour certains, ce seront des images qui se créeront le plus facilement. Pour d'autres, des sons, des sensations. Et vous allez pouvoir simplement marcher dans ce jardin. Marcher dans son rêve. Marcher dans un symbole, dans un lieu si paisible. C'est se laisser transformer par lui, et vous le sentez déjà. Votre respiration est plus profonde, plus lente. Votre esprit plus paisible. Et le corps, lui, déjà presque endormi. Et c'est très bien. Et ici, vous allez trouver l'essentiel. Une possibilité de repos. Une sérénité, un refuge aussi, et il suffira de repenser à ce jardin pour retrouver l'hypnose et surtout retrouver l'essentiel de ce que vous vivez ici, l'état hypnotique, l'endormissement, le calme. Et votre inconscient sait, il connaît vos besoins, alors sa manière de peindre avec des émotions, des images, des sons, des sensations, ce lieu parfait. Cette manière de peindre est faite seulement pour vous. Elle va infuser en vous et vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin maintenant. Le calme, bien sûr, vous avez besoin de calme. La paix de l'esprit aussi. Certainement d'autres choses, bien plus profondes, bien plus secrètes, bien plus importantes, que vous découvrirez de plus en plus à mesure que vous fréquenterez ce lieu. À chaque fois, il pourra changer, évoluer ou rester identique en fonction du besoin sincère, vrai, de votre inconscient. Et maintenant, j'aimerais que vous dirigiez vers son centre, là où se trouve la fontaine de jouvence. Elle peut avoir bien des formes, bien des visages. Est-ce une source qui jaillit au pied d'un arbre? Est-ce une fontaine, vous savez, par exemple, comme ces fontaines si belles qu'on trouve en Toscane? Peut-être est-ce une coupe qui s'emplit d'eau? Peut-être est-ce simplement un étang à l'eau pure et profonde, un étang dans lequel jour et nuit se reflèteraient les étoiles, nos pensées, notre visage vrai, pas celui que l'on se prête, pas celui que l'on croit avoir, non. Celui que nous voulons être, celui que nous sommes déjà, celui vers lequel nous allons. Et puis, je vais vous inviter, bien sûr, à boire de cette eau, à sentir sa fraîcheur, sa pureté, et à la laisser vous transformer de l'intérieur. Sentez comme la respiration se ralentit. Sentez ce qui se diffuse de plus en plus en vous. Et sentez ce qui en vous renaît. C'est la fontaine de jouvence. Pour vous, c'est une forme de jeunesse. Pour mieux dire, des choses vraies qui ont toujours existé en vous, qui remonte à la surface. C'est par exemple le souvenir, plus qu'un souvenir, la sensation, plus qu'une sensation, le vécu, plus que le vécu, un nouvel apprentissage, vous réapprenez à dormir comme un bébé, comme lorsque vous étiez enfant. Vous retrouvez le plaisir du confort du lit, de sa chaleur, sentiment de protection, la confiance. On ferme les yeux, on lâche prise, on s'endort de plus en plus. Et cela va se développer en vous. Et même si vous ne vous souvenez plus de cela, même si cette période où le sommeil était facile vous semble très lointaine, il y a forcément un moment où le sommeil était une évidence. Et vous sentez que vous en êtes proche, vous sentez qu'il se développe en vous. C'est pour cela que vous êtes aussi calme, aussi bien, aussi détendu. La fontaine de jouvence, de plus en plus calme, de plus en plus en transe. Et cette fontaine va faire remonter d'autres choses, pures, belles, redonner un élan de jeunesse, de foi, d'énergie, d'envie, de douceur et de calme aussi. Tout droit puisé de votre jeunesse. Et ne soyez pas étonnés si au cours des jours suivants, des pensées anciennes, des envies enfouies se révèlent à vous. Ne soyez pas non plus étonnés de voir à quel point vous allez être de plus en plus calme. À quel point vous ne pourrez pas vous empêcher d'anticiper agréablement l'idée de vous endormir, le lit comme un nouveau refuge, le jardin, cette fontaine, comme un nouveau lieu des possibles. C'est très bien. En vous, cette eau de jouvence, de jeunesse, va continuer d'une manière profonde son travail. Et à partir de maintenant, je vous invite simplement à profiter de ce jardin. Si la fontaine, son centre, est le symbole le plus important, parce qu'il est le reflet intime de vous-même, un sens, tout un ordre. Il suffit de vous balader, de marcher, de flâner, de déambuler, pour que les images, les sensations, les émotions continuent à vous transformer de la manière la plus évidente. Vous entrez toujours plus profondément en transe, mais aussi d'une manière plus subtile, quelque chose infuse en vous et progresse. Et cette chose, c'est votre souhait profond, tout simplement. Alors, partez à la découverte de ce lieu. Il ne peut être mesuré. Il est infini, aussi infini que votre créativité, que les possibilités de votre vie, que votre imagination. Et laissez-vous porter par tout ce qu'il incarne. Laissez en vous se propager comme une onde joyeuse, comme cette eau que vous avez bu tantôt. Laissez se propager la sensation de beauté, mais aussi la paix, une vraie quiétude, l'émerveillement, la curiosité, et cette chose si précieuse que vous vivez maintenant et qui est simplement le plaisir de vivre, de respirer. Sentez en vous ce contact avec la nature et avec tout ce que cela comporte. Les symboles sont comme des hologrammes. Quel que soit l'angle avec lequel on le regarde, ils apparaissent différents, ils sont inépuisables, riches, infinis, comme votre inconscient. Et pendant que cette marche va vous changer, vous rapprochez simplement de vous-même, car changer, c'est peut-être cela. C'est devenir plus soi-même. Eh bien, le sommeil de l'hypnose va se faire de plus en plus profond. Et le sommeil tout court, le sommeil de la nuit, va s'inviter progressivement, merveilleusement, progressivement. La porte va s'ouvrir vers le royaume de Morphée. Et sans même y penser, où que vous alliez dans ce jardin, c'est vers cette porte que vous vous dirigerez. Simplement, quand vous l'aurez franchi, vous l'aurez déjà oublié. Ce qui va rester, c'est le rêve. Le rêve de l'hypnose va se transformer en songe de la nuit. Et vous allez pouvoir voguer vers un territoire encore plus mystérieux, vers ce repos doux qui fait de chaque jour une réelle nouveauté, une renaissance, le sommeil bien sûr. Bientôt ma voix se taira pour laisser votre inconscient prendre toute la place et vous guider à sa manière, qui est la bonne parce qu'elle est la vôtre, vers le sommeil, vers la nuit. Vous entrez de plus en plus en transe dans le sommeil. Chaque silence se remplit davantage de rêves. Et loin, très loin, le corps, sa respiration déjà si lente et régulière, la respiration du dormeur, l'esprit conscient engourdi dans une sorte de boîte de coton, de brouillard heureux, confort, et l'inconscient qui, lui, dans le rêve, s'incarne dans les symboles. Vous entrez toujours plus en transe et progressivement, tout en vous s'endort.